Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous poursuivons sur le thème des conséquences des activités humaines sur l'environnement. Cette fois-ci, on s'intéresse aux activités humaines responsables de la diminution de la concentration d'oxygène dans l'eau des lacs. Alors, pour nous en parler, je reçois Jean-Philippe Jenny, qui est chercheur postdoctoral à l'INRS. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors Jean-Philippe, vous venez de publier une étude dans la revue Global Change Biology qui démontre que le nombre de lacs hypoxiques à travers le monde est en forte augmentation en raison des activités humaines. Alors pour savoir de quoi on parle, dites-moi tout d'abord qu'est-ce que c'est l'hypoxie en fait et est-ce que c'est important? C'est une très bonne question, oui. Alors l'hypoxie, c'est un terme en fait qui est un peu barbare et qui désigne le manque d'oxygène dans l'eau. C'est incroyable, mais oui, même dans l'eau, il y a de l'oxygène et les poissons en ont besoin pour vivre. Donc c'est un paramètre fondamental pour la qualité des eaux. Pour la vie, en fait, dans les lacs, c'est exactement ça? Exactement. Et cette hypoxie, donc ce manque d'oxygène, il est dû à quoi? Alors, notre équipe à l'INRS a démontré que les causes principales, enfin la cause principale, ouais, c'est l'excès des apports de nutriments dans les lacs, c'est-à-dire les apports d'aliments. Okay. Alors, ces nutriments, d'où ils viennent? Ils proviennent des bassins versants et ils causent des réactions en chaîne dans le lac jusqu'à causer le manque d'oxygène. À l'origine, l'oxygène des lacs vient de l'atmosphère et pénètre dans la colonne d'eau par diffusion. C'est ce qui permet la vie de nombreuses espèces. Mais lorsqu'il y a trop d'aliments, alors les algues se développent sans limite jusqu'à envahir tout le lac, c'est la catastrophe. Tous ces débris d'organismes sont alors consommés par des micro-organismes, comme par exemple les bactéries. Et ces bactéries respirent, consomment l'oxygène, et à la fin, s'ils respirent tout l'oxygène, alors ils étouffent. Oui, tout à fait. Et est-ce que le climat peut aussi avoir un effet sur ce phénomène? Oui, exactement. Alors le climat peut avoir des graves conséquences parce que l'augmentation des températures diminue la solubilité de l'oxygène dans l'eau, uh-huh, et augmente également la stratification estivale des eaux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Une eau, plus elle est chaude, plus elle est légère. C'est un petit peu comme l'huile que vous allez mettre dans votre casserole. En fait, elle stratifie, elle reste au-dessus. Et elle va flotter sur les eaux plus froides. Et cette stratification va donc empêcher l'air de l'atmosphère de pénétrer correctement dans les eaux profondes, là où les poissons, justement, vont frayer. Alors, on étudie actuellement, avec beaucoup d'intention, les effets du changement climatique, mais aussi des apports de nutriments sur la période des 300 ans. Ce recul sur la période historique nous permet de déterminer les causes principales à long terme de l'homme et du climat sur la ressource aquatique. Et j'insiste tout particulièrement sur ce point. Les lacs, comme beaucoup d'autres écosystèmes, ont un fonctionnement qui est lent, qui est complexe. Mmh. Et donc, pour bien les comprendre et adapter nos stratégies de gestion, il faut raisonner à long terme. Et c'est pourquoi je m'intéresse, moi, dans mes études à l'INRS, aux conditions passées. Et comment fait-on pour connaître les conditions du passé dans les lacs? Ah, c'est toute la beauté de la chose. Alors, oui, en fait, on a le choix. Il y a, on va dire, deux approches. Soit on utilise des données qui sont enregistrées par des instruments de mesure, par exemple des capteurs de température, d'oxygène qu'on a installés dans les lacs. Mais il y a une deuxième méthode, c'est utiliser les sédiments au fond des lacs. Alors pourquoi on fait ça? Bah parce qu'en fait, les mesures, par exemple avec votre thermomètre, eh ben elles sont limitées dans le temps. Par exemple, on a des données sur 60 ans, mais en revanche, les sédiments, eux, ils permettent d'enregistrer de manière naturelle les conditions du lac sur des longues périodes de temps. Au fond des lacs, généralement, on se méprend sur ce que c'est les sédiments. Généralement, on pense que c'est de la boue ordinaire. Mais en fait, non, pas du tout. Les sédiments au fond des lacs, c'est quelque chose de très organisé. Ça forme des strates, des lamines saisonnières, un peu comme les cernes d'arbres. Je crois que vous avez peut-être déjà entendu. Uh-huh. Et on s'en rend pas compte tout de suite quand on a les pieds dedans. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de valeur dans cette boue. Donc la boue, c'est la mémoire des lacs, si je pourrais dire. Exactement. Donc vous travaillez à partir de sédiments des lacs pour raconter leur histoire. Comment est-ce que ça fonctionne? Quelles informations vous pouvez en extraire? Alors en fait, le fond des lacs est constitué de sédiments qui proviennent à la fois des bassins versants, c'est-à-dire du paysage, et aussi de la production organique du lac. Les sédiments enregistrent donc à la fois l'évolution du paysage dans le temps et le fonctionnement du lac lui-même. Chaque année, il y a des sédiments qui arrivent au fond du lac et qui vont générer une couche de sédiments, et mon travail va consister à aller extraire ces sédiments, donc toutes ces couches empilées, et à extraire, à faire parler en fait ces archives, et à extraire un signal qui est préservé dans ces couches que nous on peut dater grâce à des méthodes isotopiques. Et donc on arrive à reconstituer l'histoire du lac, mais aussi de son environnement, c'est-à-dire du paysage, sur des très longues périodes, par exemple les 100 dernières années, mais on peut aussi remonter jusqu'à 10 000 ans ou même plus. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier ? Bah, de temps en temps, on va utiliser des microscopes et l'étude microscopique de ces fossiles, des fossiles, ou de l'ADN et de pigments résiduels va nous permettre de reconstituer des assemblages biologiques, c'est-à-dire les compositions d'espèces, et ça va nous renseigner sur les conditions écologiques passées du lac. De plus, l'analyse de matériaux provenant du bassin versant permet de reconstituer l'évolution donc du paysage végétal autour du lac, par exemple en étudiant les pollens, ou on peut également étudier le régime des crues. Alors, les archives lacustres permettent ainsi de connaître les effets du réchauffement climatique et de l'homme à long terme sur notre milieu, sur la qualité des lacs, et notre objectif à l'INRS, c'est de savoir, en fait, en définitive, si les stratégies de développement proposées donc, par nos décideurs, par les gestionnaires, ceux qui ont, qui prennent des décisions, en fait, sont compatibles avec la qualité de la ressource de notre milieu, quoi. Et éventuellement, j'imagine qu'en connaissant les causes de l'hypoxie, est-ce qu'on peut modifier nos activités pour empêcher cette hypoxie? Est-ce que c'est faisable? Alors, justement, c'est une très bonne question. On est en train de travailler sur ça actuellement. Et on se rend compte que ça va beaucoup dépendre, en fait, de l'endroit où vous vous situez dans le monde. Si vous vous situez dans des pays qui sont développés depuis un petit peu de temps, comme en Europe ou comme aux États-Unis, on s'aperçoit que les efforts de gestion, jusqu'à l'heure actuelle, n'ont pas encore permis au lac de se restaurer. Mais on sait que dans quelques décennies, théoriquement, avec un effort soutenu, alors c'est un peu ingrat parce qu'on est obligé d'attendre longtemps. On sent qu'il faut des résultats. Exactement. Mais il faut être patient et ça reviendra. Par contre, ce qui est très très intéressant, c'est que dans d'autres pays, comme en Afrique ou en Asie, les perturbations sont en cours. Et c'est-à-dire que si on prend les bonnes mesures dès maintenant, on peut empêcher justement ces lacs de passer en hypoxie, c'est-à-dire en manque d'oxygène, avant que justement ce problème à long terme soit un problème qu'il faudra résoudre dans les prochaines décennies. D'accord. Alors, merci beaucoup, Jean-Philippe. Jean-Philippe Jenny est chercheur postdoctoral à l'INRS. Alors, on va passer en pause publicitaire et musicale sur CKRL au 89.1.